Peuplés par des noquis et des piantas. C'est une île en forme de dauphin qui saute en l'air comme dans Wave Race. Et cette île était menacée par un sosie conforme de Mario. Il salissait toute l'île avec de la peinture magique. Super Mario Sunshine, Sunshine dans les collines, Bianco. Yeah. Mario Sunshine, Water Jet dans le Porico. Mario Sunshine, Sunshine à gelato, les flots. Mario Sunshine just for you. Que c'est le vrai Mario qui a sali toute l'île. Du coup, il est chargé de nettoyer la peinture avec de la flotte. Avec son jet à tout faire, Mario va nettoyer toute l'île. Et pendant ce temps, Luigi chasse les fantômes à la spie. Mario! Mario! Super Mario Sunshine, Sunshine dans la Benoki. Mario Sunshine, Water Jet dans le village Pianta. Mario Sunshine, Sunshine au parc Pina. Mario Sunshine, just for you. Super Mario Sunshine, Sunshine dans les colis Bianco. Mario Sunshine, Water Jet dans le Porico. Mario Sunshine, Sunshine à gelato, les flots. Mario Sunshine, just for you. Mario Sunshine, just for you.